Bien, rebonjour à tous. Ce matin, on va continuer dans le sermon sur la montagne. C'est Michel qui devait être là. Et donc Michel ne se sentait pas bien, donc je le remplace. Vous mourrez moins à la place de Michel. C'est pas pareil, mais... donc avant de commencer, le verset que nous allons étudier, c'est Matthieu 6, 10. Je pense que la semaine passée, vous avez commencé avec Matthieu. Je n'étais pas là la semaine passée. C'est Matthieu 6, 9. Notre. Non, pas du tout. 6, 10, c'est. Non, en fait, parce que dans certaines Bibles, une partie de 6, 10 commence à 6, 9. C'est possible. Mais voilà. Donc, c'était la prière du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et aujourd'hui, on va voir que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Donc, que ton règne vienne. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de... Je ne sais pas si certains de vous... Je pense que certains ont eu ce fascicule de Glenn. C'est un programme, c'est le programme de Matthieu, de toute l'étude de Matthieu. Au début, quand on a commencé le sermon sur la montagne, il a distribué ce petit fascicule-là, qui était la structure de l'évangile selon Matthieu. Et donc, dans ce programme... il y a une partie qui s'intitule « Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» où il parle du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, etc. Donc là, il en parle vraiment en profondeur. Pour ceux qui ne l'ont pas, quand Glenn reviendra, vous pourrez demander ce fascicule-là. Ça, c'est très intéressant. Il y a toute la structure et dedans, il y a aussi quelques notes intéressantes. Sinon, il y a ce document-là aussi qu'il a distribué. Enfin, distribué. Je crois qu'il était à 10 pièces. 10 pièces, c'est ça? Voilà, c'était « Suivre Jésus ». Et dedans, il a repris en annexe également l'appendice 4 qui est « Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» D'accord ? Il y a toute une étude qui est faite dedans sur ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, je ne vais pas insister sur les points qu'il a déjà abordés. Il en a parlé brièvement dans ses études. Je verrai avec vous quelques petits points sur cette partie-là. Que ton royaume vienne. Je vais aborder avec vous quelques points sur ça. Que ton royaume vienne, que ta volonté. C'est une prière que nous connaissons par cœur. C'est l'une des premières prières d'ailleurs qu'on apprend. Pour ceux qui ont passé par l'Église catholique comme moi, c'est l'une des premières prières qu'on apprend au catéchisme. Donc, j'aimerais voir avec vous quelques points là-dessus. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Premièrement, qu'est-ce qu'un royaume ? Qu'est-ce qu'un État ? Souvent, on parle d'État, on parle de royaume, on parle de nation. Est-ce qu'il y a une différence entre ces termes-là ? En quoi ça nous intéresse, le fait qu'il y ait une différence entre État et royaume ? En quoi ça nous éclaire par rapport à ce verset-là ? Il y a une différence qui est nette et qui nous permettra de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que le royaume et pourquoi nous devons désirer la venue du royaume de Dieu. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est sur l'auditoire. Quand Jésus parlait... Il leur disait, voilà comment vous devez prier, que ton royaume vienne. Comment les gens recevaient ça? Ceux qui l'écoutaient, comment est-ce qu'ils le recevaient? Ceux qui avaient entendu parler de lui, son auditoire de ce moment-là, comment est-ce que les gens recevaient ça? Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Comment est-ce qu'eux, ils le comprenaient? Le troisième point, c'est que ton royaume vienne. Bon. Supposons un instant que quelqu'un ne veut pas que le royaume de Dieu vienne. Supposons que Martin, ici présent, ne veut pas que le royaume de Dieu vienne. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance d'être exaucé ? Aucune. C'est-à-dire que qu'il le veuille ou pas, ça ne change rien. Hein. Oui ? Bah, si ça ne change rien, pourquoi prier ? Pourquoi demander que ton royaume vienne ? Ça ne va rien changer quand on le demande ou qu'on ne le demande pas. C'est comme si on dit que demain le soleil se lève. Bah, depuis des milliers d'années, tous les matins le soleil se lève. Pourquoi demander aujourd'hui que demain le soleil se lève? C'est une évidence. Si c'est une évidence, pourquoi Jésus le met dans cette prière-là du Notre Père? Et j'aimerais aussi donner ma définition du royaume de Dieu. Comme je l'ai dit au début, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, Glenn l'a bien fait dans son livre. Et le dernier point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi sur la terre? Pourquoi sur la terre comme au ciel? Est-ce que ça veut dire que dans le ciel, C'est pas fait ou c'est encore fait, qu'il faut le faire sur la terre. Pourquoi mentionner sur la terre comme au ciel? Qu'est-ce que ça vient faire dans le royaume de Dieu? On est en train de parler de choses du royaume de Dieu en Israël pour ceux qui étaient là, du royaume de terrestre. Pourquoi parler du ciel? Bon, ça c'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce que le programme vous va? Est-ce que le programme vous va? Bah, je suis sûr que vous n'avez pas retenu tous les points. On va y revenir un par un. Le premier point, que ton royaume vienne. Alors, État, nation, royaume. Pourquoi il n'a pas dit que ton gouvernement vienne? Pourquoi il n'a pas dit que ta chefferie vienne? Ta principauté vienne? Pourquoi un royaume? Il y a une différence nette entre un État pardon, et un royaume. Un État est une organisation politique et juridique d'une société. Okay? Un État est délimité par des frontières, et dans ces frontières, il y a des lois qui s'appliquent. En gros, on se met à deux, on se met à quatre, on est une gang, on dit, on va faire un État. On a un territoire, et dans ce territoire-là, on édicte nos règles, et nos règles s'appliquent dans ce territoire-là. C'est ce qu'on appelle un État. Le Canada est un État. Le Québec aussi, en devenir. Devrait être. Terrain glissant. Donc, c'est un État est dirigé par un gouvernement. L'État va mettre en place un gouvernement, va élire des gens pour les diriger, pour faire appliquer les lois qui ont été votées. Ça, c'est ce qu'on appelle un État. Une nation, ça peut aussi être un État. La différence entre une nation, c'est beaucoup plus un caractère d'idéologie, un caractère de rassemblement. Il y a des nations qui sont disparates, il y a des États qui sont faits de plusieurs nations. Le mot nation, parfois, est utilisé pour donner une... par exemple, aux États-Unis, des fois, on parle de nation Cheyenne, ou la nation iroquoise, ou nation indienne. Ce truc de nation a une connotation de communauté. Parfois, un État est aussi une nation, ce qu'on appelle un État-nation. Okay, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est quand un État est constitué de gens qui sont d'un même groupe ethnique ou d'un même groupe idéologique, et alors ce groupe forme un pays à eux seuls, genre un peu l'Arabie Saoudite, quoi. Exemple, on est entre Saoudiens, on est entre nous, et puis on a un pays qui s'appelle les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, et voilà, ça c'est un peu, on est un État-nation. Jusque-là, c'est bon. Voilà un État. Donc un État se définit par rapport à son peuple, par rapport à son territoire et par rapport à son peuple, les gens qui l'habitent, et par rapport à ses règlements. Un royaume, le royaume lui se définit par rapport à son roi, full stop, et ses frontières. C'est ça un royaume. On n'a pas de royaume sans roi, okay, ou sans reine. Passons, pour couvrir large. Le royaume se définit par rapport à son roi et par rapport à ses frontières. Contrairement à un État, c'est que parfois dans des royaumes, il n'y a pas de gouvernement. Avant, il n'y avait pas de gouvernement. Enfin, c'était le roi qui était le chef du gouvernement dans le royaume. Okay, bon. Où est-ce qu'on va en venir? Pourquoi la différence entre un royaume et un État? Ce qu'il faut comprendre, Glenn nous a pendant pas mal de dimanches parlé de la justice de Dieu. Vous vous rappelez du fameux fil à plomb? Il venait souvent avec le fil à plomb pour dire: la justice de Dieu, c'est le caractère de ce qui est droit, de ce qui est conforme à ce que Dieu veut, de ce qui est conforme à la nature de Dieu, la droiture de Dieu, la justice de Dieu. Le problème dans un État, c'est que la justice est un ensemble de lois, de règles sur laquelle on s'est entendu. C'est ça la justice. Au Canada, la justice, c'est ce qui est conforme aux lois canadiennes. C'est ce qui est conforme aux lois telles qu'on les a votées au Canada. C'est ça la justice. Ça n'a rien à voir avec la droiture de Dieu. C'est simplement l'application de notre consensus. C'est un consensus. Je vous donne un exemple. En France, un jour, il y avait quelqu'un qui a tagué sur un palais de justice, certainement un repris de justice, qui avait tagué « Il n'y a pas de justice. Il n'y a que le palais de justice. » C'est pas faux. Parce que le palais de justice n'est pas là pour rendre la justice. Le juge n'est pas là pour rendre la justice. Le juge est là pour rendre une décision qui est conforme aux lois du pays. Point. C'est tout. qu'elle soit, qu'elle paraisse juste ou qu'elle ne paraisse pas juste. La justice divine n'a rien à voir avec la justice d'un État. Un royaume, en tout cas si on parle déjà de royaume post-anté moderne, avant l'ère moderne, la justice était l'apanage du roi. C'est le roi qui dicte les règles. Point. Et le roi, souvent, il dictait les règles conformes à ses intérêts à lui ou aux intérêts du pays, disons, hein, les intérêts du pays. Mais souvent, c'est ses propres intérêts à lui. OK ? Donc, dans un royaume, la justice était rendue par un homme. Et ses décisions pouvaient varier au gré de ses intérêts ou aux intérêts du pays. Donc, ça n'avait non plus rien à voir avec la justice de Dieu. C'est pourquoi ni un État, ni un royaume ne peut être le royaume de Dieu. Parce qu'il est impossible au royaume terrestre et à un État terrestre de manifester la justice de Dieu à cause de son fonctionnement même. C'est impossible. D'où on a besoin d'un royaume qui n'est pas de ce monde et qui vient d'ailleurs. Parce que de par le fait comment nous sommes faits, comment nos règles sont faites, c'est une chose qui est impossible. Le sermon sur la montagne présente à peu près la société. C'est comme si... C'est un peu comme si c'était une élection présidentielle, OK? Un homme, les gens viennent pour présenter leur plan. Ils disent, moi, si je suis, vous me votez président, j'enlève tous les impôts. Ouais. L'autre va venir, oui, moi, si vous, je suis président, vous verrez l'échangeur turco, là, je veux vous le refaire en 5 jours. Ouais, etc. Bon. Chacun va présenter son projet. L'évangile, les évangiles, et plus précisément le sermon sur la montagne, est un énoncé du projet de Dieu, de le royaume de Dieu, comment est-ce qu'il sera? Qu'est-ce que c'est un avant-goût. Il a présenté la structure. Comment ça sera structuré? Est-ce qu'il y aura une hiérarchie? Ben, contrairement à aujourd'hui, ben, ceux qui seront bien là-bas, ce seront les humbles. Ceux qui seront les plus hauts, ce sera les plus petits. Ceux qui seront les plus forts, ce seront les plus faibles. Il a présenté la puissance du royaume à venir, avec les guérisons, avec les miracles, etc. Dans tout ça, on a vu que, ben en fait, le royaume à venir n'a rien à voir avec le royaume présent. Parce qu'aucun royaume présent ne peut réussir à manifester le royaume de Dieu, même pas Israël sous David. Ça va toujours? Je ne vous ai pas perdu? Deuxième point, le contexte. Donc on a vu pourquoi il parlait d'un royaume. Il faut un roi. Et ce roi-là, il faut qu'il soit pleinement soumis à la volonté de Dieu. Mais pleinement soumis, c'est-à-dire que la justice qu'il va donner, il faut que ce soit une justice divine, la justice de Dieu. Jésus a dit, le Père, mon Père et moi, nous sommes un. Dans son royaume à lui, la justice qui sera rendue, ce sera la justice divine. Les lois qui seront promulguées, ce seront les lois divines. Ce ne seront pas les lois d'un homme, ce ne seront pas les lois d'une assemblée nationale. Et c'est ça, en fait, qu'il propose. C'est ça, le royaume de Dieu. Deuxième chose, c'est le contexte dans lequel il le dit. Aujourd'hui, peut-être que ce mot a perdu son sens quand on nous dit que ton royaume vienne. Mais à l'époque, la plupart des Juifs attendaient le retour du Messie. Il attend toujours. En tout cas, une partie. L'autre partie, bon, c'est notre problème. Il attend toujours. Et pour eux, le Messie devait revenir dans sa splendeur, dans sa gloire, dans toute sa majesté, avec des armées. Chasser les Romains, restaurer le Israël dans sa gloire, dans ses territoires. Je ne sais pas si je dois vous parler un peu du sionisme. Bon, une autre fois peut-être. Dimanche prochain. On peut se demander comment est-ce que les gens ont réagi quand ils parlaient. Ce qu'ils disaient, que ton royaume vienne, qu'est-ce que ça... Voilà, comment ça résonnait dans l'esprit de certaines personnes? Ben en fait, pour certains, Jésus, c'est un illuminé. C'est juste un illuminé. C'est quelqu'un qui est un peu dérangé. Il fait du bruit, mais ça ne durera pas. Parce que pour ces gens-là, Jésus devait être le Messie qu'on attendait, devait être quelqu'un qui vient avec une puissance militaire. On était sous la férule des Romains. Il devait venir bouter les Romains d'Israël avec des armées, avec... de l'or partout, des éclairs qui sortent, etc., tout le tintouin. Et ce gars-là, il vient, il parle de non-violence, il parle même de soumission aux Romains. Il dit qu'on doit payer notre impôt à César. Non, c'est sûr, ce gars-là, c'est pas le Messie. Ça, c'est certain. Les pharisiens pensaient ça. Les gens du les membres du Sanhédrin pensaient aussi ça. Pour eux, Jésus, c'était juste un illuminé. Pour d'autres, bon, c'est sûr, c'est pas top top. Mais peut-être qu'il y a moyen de le récupérer et puis de le convaincre de prendre le pouvoir quand même. Parce que, écoutez, il a un magnétisme sur les foules. Il sait parler aux foules. Il sait motiver les gens. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand même. On peut le coacher et puis... Hein, s'il accepte de devenir roi, écoute, nous on est derrière, il n'y a pas de problème, on va prendre les pelles, on va y aller à fond. Je pense que c'est ce que Judas pensait. Et aussi la foule, après la multiplication des pains. Quand elle a voulu que Jésus devienne roi, parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont rassasié, ils voulaient que Jésus devienne le roi boulanger tous les jours, tu te mets là, les miracles, tous les matins, les pains sont là, on mange. Et Judas, si Judas a vendu Jésus, souvent on dit qu'il a vendu pour 30 pièces, ok ? Ça c'est parce qu'on lui a promis 30 pièces et il a trahi son maître pour 30 pièces. Moi, j'ai un peu de mal avec cette théorie-là. Premièrement, parce que les 30 pièces, une fois qu'on lui a donné, il les a jetées. Il allait les pendre. Donc au final, son intérêt, ce n'était pas les 30 pièces. Ben, moi, je vais trahir un ami pour quelque chose. Une fois qu'on me le donne, je vais le jeter juste parce que j'ai du remords. Non, non. Je pense, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi, je pense que Judas croyait sincèrement qu'on pouvait récupérer Jésus, qu'on pouvait en faire quelque chose, et que le Sanhédrin voulait juste discuter avec lui et puis éventuellement le convaincre. Donc c'est pour ça qu'il s'est laissé convaincre par le Sanhédrin. Hein. T'inquiète pas, on ne va rien lui faire à ton Jésus, on veut juste lui parler. Dis-nous juste où il est, et puis montre-nous où il est, et puis t'inquiète pas, on ne lui fera rien. Mais une fois qu'ils l'ont eu, ils l'ont pris, quand Judas a compris que Là, c'est pas pour lui parler, c'est pour aller le crucifier. Je pense que là, ça lui fait quelque chose. Je pense que Judas croyait sincèrement que... Bon, il ne comprenait rien au royaume de Dieu, ok? Il ne comprenait rien à la non-violence. Lui, ce n'était pas son truc. Il voyait juste un homme qui avait du charisme. Et cet homme-là, certainement, il peut nous conduire, il peut faire quelque chose pour le peuple d'Israël, maintenant, ici, avec les Romains. Il y a une troisième catégorie de personnes qui ont entendu ce message, qui ont entendu parler du royaume. Cette catégorie de personnes connaissait les Écritures. Ils savaient que le Messie devait venir avec toute sa gloire. Mais ils étaient quand même prêts à revoir leur jugement, à se dire, et si je me suis trompé? Et si ce Jésus était vraiment le Messie? Et si la manière dont je conçois le Messie, ce n'est pas la bonne manière? On a un exemple en Nicodème. Lui, il a eu cette attitude-là. C'était quelqu'un qui était instruit, il avait l'instruction, mais quelque part, il s'est dit, peut-être. Et la nuit, il allait secrètement trouver, on a la conversation qu'il a eue avec Jésus de nuit. Il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, ils ont compris qu'est-ce que c'est que le royaume, plus ou moins. Ils ont compris qui était Jésus, plus ou moins. Mais quand on leur a parlé des exigences du royaume, là, ils ont dit, non. Ça, par exemple, c'est le jeune homme riche qui dit que tout ça, j'ai gardé depuis ma jeunesse, j'ai suivi les commandements. Jésus le regarde, Jésus trouve que effectivement tu es top, mais il te manque quelque chose. Et il lui donne l'exigence du royaume. Et là, il dit, non, merci. Il s'en va. Une dernière catégorie de personnes, c'est ceux qui n'avaient pas d'instruction ou simplement ceux qui n'avaient pas d'avis sur la question. C'est comme si aujourd'hui on vient trouver quelqu'un qui laboure sa terre tous les jours et se demande si le soir là, les corbeaux vont pas venir tout manger. Est-ce que demain j'aurai une récolte? Et tu viens le trouver, chaque jour il trime dans les champs, et tu lui demandes, dis-moi mon brave, qu'est-ce que tu penses de la loi 519 qu'a voté Charret? Bon, il va vous regarder, vous dire, mais ça c'est pas trop mon problème. Donc la plupart de ces gens-là, il fallait qu'ils aient à manger au jour le jour. Voilà quelqu'un qui vient leur parler des Écritures, mais qui ne parle pas comme les autres, qui a un autre type d'enseignement, qui leur parle du royaume, de quelque chose qui va venir. Eux, les Romains, ce n'était pas leur problème. Hein, parce que Romains ou pas Romains, là, ils étaient dans le même problème. Donc ce n'était pas un souci pour eux. Et eux ont reçu le royaume simplement. Ils ont reçu cette graine-là, ils ont reçu cette parole de manière simple, de manière ouverte, et ils l'ont accepté. Ça, c'est le contexte dans lequel Jésus a dit que ton royaume vienne. Maintenant, que ton royaume vienne. Un jour, j'étais avec ma sœur dans la rue, en Afrique. Je ne me rappelle plus si c'était au Niger ou au Burkina Faso. Là, j'ai un trou de mémoire. Il y avait un taxi. Et sur le taxi, le chauffeur de taxi avait mis un autocollant. Et l'autocollant disait, « tu veux pas, Jésus Seigneur. » Bah, ça c'est une forme d'évangélisation un peu... Hein ? Un peu violente, hein ? C'est un peu violent quand même, parce que c'est un pays où il y a plusieurs communautés, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Bon, dire tu veux pas là, Jésus Seigneur, bon, ok, c'est une manière d'évangéliser, mais un peu brutal, hein, mais bon. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que ça ne change rien à ce que tu veux, toi. L'évidence est qu'il est Seigneur. L'évidence est que son royaume va être établi. Tu veux pas, il viendra. Tu veux pas qu'il vienne, il viendra. Tu veux qu'il vienne, tant mieux, il viendra. Il n'y a pas de si dedans. C'est juste un quand. La question maintenant, c'est de savoir, si on sait qu'il va revenir, pourquoi prier pour ça? Pourquoi prier que ton royaume vienne si on sait que quoi qu'il en soit, son royaume va venir? Daniel, chapitre 9, versets 2 à 3. Je n'ai pas la peine d'ouvrir, je vais vous lire. Daniel, le livre de Daniel, chapitre 9, versets 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Au verset suivant, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, c'est-à-dire vers Jérusalem, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pardon. Daniel, en lisant ces écritures, il s'est rendu compte que les juifs qui avaient été déportés, Israël, Jérusalem rasé, il s'est rendu compte qu'il y a une période de 70 ans devait s'écouler. Et en regardant son calendrier à sa montre Rolex, et à l'époque il y avait des Rolex, en regardant le calendrier, il s'est rendu compte que, ça y est, les 70 ans s'est écoulé. Il est temps maintenant que les bâtiments, les ruines soient restaurées, que mon peuple commence maintenant à repartir, puis voir ce qui se passe du côté de Jérusalem. Les temps sont arrivés. Moi, personnellement, ce que j'aurais fait, j'ai vu que les temps sont accomplis, ça y est, c'est terminé. Moi, j'aurais dit juste, c'est bon, c'est fini. Allez, on va empaqueter et puis on rentre chez nous. Je serais allé au bar du coin, j'aurais bu pour célébrer ça, et puis je serais retourné m'asseoir pour attendre de voir ce qu'allait se passer. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Dieu a dit que ce sont 10 ans. Après, ce sont 10 ans, ça y est, c'est fini. On va rebâtir. Les 70 ans sont terminés. C'est quoi la suite? Daniel, lui, il a prié. Et on a une prière assez longue, hein, une confession, etc., etc. Il s'est mis à prier. La question est, quel effet ça a eu? Est-ce que ça a changé quelque chose? Le fait est que les temps étaient accomplis. Oui, les temps étaient accomplis. Quelque chose devait maintenant se passer. Daniel, quand il a vu que le temps était accompli, il s'est mis à prier dedans pour demander pardon et demander que maintenant, que ta parole s'accomplisse. Ce qui s'est passé, au verset 22, il est dit, « Il m'instruisit. » Il y a un ange qui est venu. En vision, il a vu un ange approcher et c'est l'ange qui l'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. » Le verset suivant est très intéressant. Il dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. » C'est-à-dire, un ordre a été donné, un commandement a été donné. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Lorsque tu as commencé à prier, quelque chose s'est enclenché, quelque chose a été mis en branle. Oui, les temps étaient accomplis. Oui, il était maintenant temps que la chose se passe. Mais il fallait quelque chose. Il fallait un peu d'huile dans le rouage pour mettre les choses en branle. Il faut comprendre que le fait que les temps soient favorables à quelque chose ne veut pas dire que la chose va vraiment se passer. Si on s'assoit, on regarde, on croise les bras, ça ne viendra pas. Et là, je ne parle pas du royaume de Dieu, hein. Je parle en général. Donc, la certitude que le royaume de Dieu doit venir ne doit pas nous empêcher de prier pour sa venue, parce que nos prières peuvent hâter sa venue. On a l'exemple avec Daniel. En plus de hâter sa venue, nous, ça nous laisse toujours dans ce désir-là que ce royaume vienne. On est toujours dans cette attente, dans ce désir-là. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur l'humanité, sur la création, sur ce qui est visible, sur ce qui est invisible, sous la gouvernance de Jésus-Christ. Moi, c'est la définition que j'ai tenté de donner au royaume de Dieu la plus large possible. Dans ce fascicule-là, on a toutes des pages beaucoup plus étoffées. Un dernier point, puis on va arrêter. Je ne vais pas vous assommer plus longtemps. La parole dit que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans d'autres versions, ils disent que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ou aux cieux, au pluriel. De toute évidence, le champ de bataille, le problème, c'est la terre, ce n'est pas le ciel. Si je lis bien ce verset-là, dans le ciel, le nom de Dieu est sanctifié. Dans le ciel, sa volonté est faite. Le problème, c'est sur terre. C'est dans le visible, dans le matériel, qu'il y a encore des petites choses à faire. C'est pas terminé. Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Ça veut dire que ce royaume est sous la coupe de Satan. Et dans 2 Corinthiens, on l'appelait le Dieu de ce siècle. Ce qui est sûr, c'est que le règne de Dieu sur la terre est loin d'être effectif. Si c'est Satan qui est le Dieu de ce siècle, c'est lui qui est le prince de ce monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le ministère de Jésus, certaines chasses gardées de Satan, ça on en a parlé souvent. Souvent on vous a dit que la mort est engloutie, la faim est, le péché est vaincu. On a souvent chanté ça, non? Vous ne connaissez pas certaines chansons où on dit la mort est engloutie, le péché est écrasé, etc. Satan est écrasé. Moi, en tant que jeune chrétien, ça m'avait toujours perturbé, ça, ce genre de verset, ce genre de chanson ou ce genre de parole. On me disait, oui, parce que la mort n'a plus de force. Mais les gens meurent là. Et un jour, j'ai perdu une amie à moi qui était une sœur dans la foi, qui est morte de maladie. Moi-même, j'étais parmi ceux qui ont creusé la tombe. Ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup pleuré. J'ai dit, mais c'est une saleté la mort finalement, parce que ça nous prend les gens, les êtres les plus chers. Creuser la tombe de quelqu'un qui était cher, c'est quelque chose qui c'est pas une expérience très très très très agréable. Et je me disais, mais ce qu'on chante là, comment, c'est où là? On dit la mort est engloutie, mais pourtant voilà. On dit les maladies est vaincue, mais moi je connais plein de chrétiens qui sont malades. Vous aussi, je pense. D'ailleurs, j'ai un peu le crève aussi. Donc, pourquoi est-ce que la maladie est engloutie? Quand on dit, ah oui, mais Jésus a vaincu la mort. Ouais. Oui, il a ressuscité. Mais nous, on continue à mourir quand même. Quand on dit, bon, mais il a vaincu la maladie. Ouais. Mais moi, je connais des gens fervents chrétiens, des vrais. Mais ils sont malades. Pourquoi? Où est-ce que... Est-ce qu'il faut comprendre? Toutes ces choses ont été conquises. Jésus a conquis la maladie, il a conquis la mort, il a conquis la famine. Parce que ces choses-là, avant qu'il soit venu, il était impossible de faire face et de vaincre contre elles. Ce n'était pas possible. La mort, on n'y pouvait rien. Jésus a conquis ces choses, mais elles n'ont pas été éradiquées. Le royaume de Dieu est venu pour démontrer, voici la puissance du royaume à venir. Mais la réalité, c'est pas encore effectif, mais la conquête a déjà été là. J'aimerais juste vous expliquer ce point-là, parce que moi, ça m'a perturbé assez longtemps. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va vous réveiller un peu. Il était une fois, en 480 avant Jésus-Christ, une ville de l'Antiquité, grecque. Cette ville-là n'était pas connue pour ses poteries, pour son art, pour ses poètes, pour ses philosophes. Non. C'était pas une ville très jolie, hein, c'était... Ça puait même des fois. Non. Par contre, c'est une ville célèbre, connue dans toute l'Antiquité. C'était une petite ville de Grèce. Elle était connue pour ses guerriers. Parce que c'était une ville, une civilisation guerrière. Tout était axé sur la guerre. Pour se marier, il fallait zigouiller des ennemis. Pour faire n'importe quoi, il fallait zigouiller des ennemis. Pour avoir du grade, il fallait zigouiller des ennemis. Même pour élever les enfants. Dès qu'ils avaient l'âge de 4 ans, 5 ans, on les arrachait à leurs parents et on les mettait en caserne. Jusqu'à l'âge adulte. C'était des guerriers nés. Quelqu'un connaît cette ville-là? Sparta. Oui, c'était Sparte. C'était, d'ailleurs, ça a fait un film. Donc, en 480 avant Jésus-Christ, Sparte était dirigée par un roi qui s'appelait Léonidas. C'était un roi de légende qui a existé réellement. En fait, c'est une histoire, mais c'est un peu l'histoire. C'est l'histoire. Ce roi s'appelait Léonidas. Léonidas était roi de Sparte. Et un jour, un roi, Xerxès, le roi de l'empire perse, est venu pour attaquer la Grèce. Il faut savoir qu'à l'époque, Xerxès était, si on peut comparer, vous prenez Barack Obama, vous prenez Deng Xiaoping, vous prenez Poutine, et vous prenez peut-être Angela Merkel et Sarkozy. Voilà, ça fait les cinq, c'est domestique à lui. Pour vous dire la puissance de ce roi-là, il est venu pour attaquer la Grèce. Les gens commençaient à trembler parce qu'ils pouvaient mobiliser des milliers de gens. Les Grecs ont pris peur et sont allés demander conseil auprès du dieu Apollon. Apollon, le dieu de la lumière grecque. Et Apollon avait un temple qui lui était dédié. Enfin, il y avait plusieurs, mais il y en a un qui était connu qui s'appelait le temple de Delphes. Et dans le temple de Delphes, il y avait une oracle. C'était une dame qui était là assise. Certains disent aveugle, d'autres disent pas aveugle, d'autres disent vieille. Oh, bref, c'est une dame qui, quand vous venez l'interroger, parlait avec le dieu Apollon et vous donnait la réponse du dieu Apollon. C'était elle qu'on appelait l'oracle de Delphes. Les Grecs sont donc allés demander conseil auprès d'Apollon. Ils sont arrivés avec leur offrande, dire qu'est-ce qu'on fait ? L'oracle a interrogé le dieu Apollon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la légende, la Pythie, on l'appelait la Pythie, était assise à côté d'une falaise, était au bord d'une faille d'où sortaient des vapeurs sulfureuses. Et selon certains chercheurs, en fait, c'est plutôt ces vapeurs sulfureuses qui... Mais bon, je ne vais pas critiquer, c'était Apollon qui parlait. Supposons que c'est Apollon qui parlait. Qu'est-ce que Apollon leur a dit ? Apollon a dit aux Grecs, si vous sortez combattre, il est sûr qu'un roi mourra et vous serez vaincu. Mais il est possible que vous ne soyez pas vaincu. Ça dépend. Si vous ne partez pas combattre, vous serez vaincu. Mais il est possible que vous ne soyez pas vaincu. Ça dépend. Voilà. Donc ils sont repartis avec ça. Donc certains ont dit, Apollon a dit de ne pas combattre. Enfin, Apollon n'a pas dit grand-chose en fait. Et donc ils sont rentrés chez eux. De retour à Sparte, les anciens de Sparte ont dit, bon, on ne sait pas trop si Apollon est favorable ou pas, on va faire des jeux, des machins pour que Apollon nous soit favorable. Comme ça on va aller et puis, on va faire ça. Le roi, Léonidas, dit, non, là, ils sont en train d'approcher. Le temps qu'on est en train de perdre à danser, à chanter, ils seront sur nous. On sera décimés. Le problème en Grèce, c'est que chaque ville était un État. Grèce, Athènes, Sparte, Thèbes, Corinthe. Chaque ville était un État et ils faisaient la guerre entre eux. Ils se trahissaient. Il était impossible qu'ils fassent consensus, qu'ils fassent une coalition. Et le roi a dit, moi je vais les combattre. Les sages ont dit, non, personne ne bouge. On fait le jeu d'Apollon, et une fois que c'est fini, on voit ce qu'Apollon va dire, et puis on va y aller. Vous suivez jusque-là? Ok? Bon, en fait, la petite histoire, hein, l'histoire derrière l'histoire, c'est que beaucoup de sages, en fait, avaient été achetés par le roi, par l'envahisseur. Hein. Ils se faisaient graisser la patte. Hein, voilà. Mais bon. Léonidas va dire, je vais aller et je vais résister à l'envahisseur tout seul. Avec combien de personnes ? 300. Il connaît la légende, les fameux 300 de Léonidas. Ça donnait un film, 300. Et Léonidas est parti vers un champ de bataille qu'on appelait les Thermopyles, les portes chaudes. C'était en fait deux falaises resserrées, donc montagne. C'était juste un petit couloir où il fallait passer, ils se sont mis là. Ils étaient 300. En face, il y avait le roi Xerxès avec son armée. Ils étaient 1,5 million. Bon, ça c'est la légende. Hein. En vrai, ils n'étaient pas 1,5 million. Hein. Et puis les 300, ils n'étaient pas 300 en fait. Hein. Ils étaient 600. Parce qu'il y avait effectivement 300 Spartiates il y avait 300 effectivement, mais il y avait quelques petits soldats des autres cités qui s'étaient joints à eux. Donc ils étaient 600. Et en face, ils étaient pas un million, c'est pas exagéré. Ils étaient 210 000. Mais quand même, 210 000 personnes. Non, ça ne fait pas le poids. D'autant plus que le roi Léonidas, pour terminer l'histoire, le roi Léonidas n'avait pris que des guerriers qui avaient déjà des enfants. Ceux qui n'avaient pas encore eu d'enfants, ils les avaient laissés à Sparte. Donc parmi les volontaires qui s'étaient portés pour l'accompagner, il n'avait sélectionné que des gens qui avaient déjà une descendance. Ça ne sentait pas bon. Voilà nos soldats qui viennent aux portes chaudes, les 300, pour reprendre la légende. En face, 210 000 guerriers qui attaquent. Ils ont tenu pendant des jours et des jours, simplement parce que c'était un défilé. Et l'ennemi ne pouvait se présenter qu'en petits groupes, un par un, deux par deux, trois par trois. Et ces guerriers-là, c'est des gens qui mangeaient du guerrier tous les matins au petit déjeuner, depuis leur naissance. Ils les ont massacrés. Pendant des jours et des jours et des jours, Xerxès n'a pas pu passer par ce col-là, parce que 300 soldats tenaient ce col-là. Est-ce que vous suivez? L'histoire dit qu'il y a eu un Spartiate qui les a trahis, qui a indiqué à Xerxès un autre chemin pour les contourner. Ils ont été pris en étau. Ils ont été massacrés jusqu'au dernier. Xerxès avait finalement gagné. Mais, voilà où je veux en venir. Et voilà le rapport que nous avons avec la mort, la maladie, la faim qui a été conquis par Jésus. Ce combat que Léonidas a mené, il est mort au passage, ce combat qu'il a mené a marqué la fin de l'Empire perse tel que nous le connaissions à l'époque. Pourquoi? Mais parce que ça a démontré aux autres cités que finalement, il n'est pas invincible. Il peut être vaincu. Et ça a stimulé d'autres personnes. Plus tard, les autres cités ont fait une coalition parce qu'ils ont entendu parler de l'acte d'héroïsme de Léonidas. Ils ont fait une coalition et ils sont venus combattre Xerxès. Finalement, Xerxès s'est retiré. Ils avaient gagné la bataille. Mais la bataille, en fait, avait été gagnée par Léonidas. C'est à ce moment-là que la bataille avait été gagnée. Parce que d'un côté, l'armée s'était découragée. Et de l'autre côté, les autres avaient été encouragés à venir. C'est à ce moment-là que vraiment, le truc a basculé. 40 ans plus tard, un jeune homme va être inspiré par Léonidas. Son rêve, c'était de ressembler à Léonidas. C'était le fils de Philippe II de Macédoine. C'était un petit royaume, tout petit, tout petit, tout petit en Grèce, tout petit, avec plein de montagnes autour. Il n'y avait rien. Ils élevaient des chevaux. Et ce garçon-là va être inspiré par lui. Et il va lever une armée et envahir toute la Perse, qui était l'ensemble du monde connu. Ce jeune homme s'appelle Alexandre le Grand. Il s'appelait, il est mort après. Tout ça pour dire que la Perse avait été conquise à ce moment-là. C'est vrai que dans les faits, ce n'est que 40 ans plus tard que Alexandre est venu à balayer les armées perses. Quand elles ne se sont pas rendues, mais il s'est rendu maître de la Perse. Mais la vraie bataille, le tournant décisif, c'est à ce moment-là. De même, quand Jésus est venu et qu'il est ressuscité d'entre les morts, le tournant décisif, c'était là. Parce que même après, ses disciples ont ressuscité des morts. On sait que Paul a ressuscité le jeune Tichique quand il a basculé par-dessus le balcon. Paul a ressuscité. Donc, même après Dorcas qui a été ressuscité, la mort avait finalement été vaincue. À partir de ce moment-là, ce n'était plus une montagne. La puissance du royaume à venir a été démontrée à ce moment-là pour dire le royaume est déjà là. C'est une manifestation visible et claire que le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement là. Et donc, je vais terminer avec un mot de Watchman Nee. Pour conclure, il dit que bien que le Seigneur, Watchman Nee, c'est un frère chinois qui a écrit L'homme spirituel, qui a écrit beaucoup de livres, il est mort dans les geôles chinoises. Watchman Nee disait, bien que le Seigneur nous ait appris à prier à l'aide de quelques phrases, ces phrases-là, nous devons en déduire que le Seigneur veut que nous les prions pour les milliers d'années à venir, en tout cas tant qu'il ne revient pas. Tout le désir de Dieu, et tout ce qu'il souhaite rapidement accomplir est exprimé dans cette prière-là, dans le Notre Père. Cette prière nous montre la volonté éternelle de Dieu et le désir de Dieu en ce qui concerne l'homme. Si je me demande qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie, quel est son plan pour ma vie, il n'y a pas de meilleur résumé que le Notre Père. Maintenant, si je demande ce que je veux faire maintenant, tout de suite, là, c'est autre chose. Mais dans ma vie, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'humanité? C'est le Notre Père. C'est son plan, ça. C'est son contrat. Pas son contrat, mais sa proposition, son plan électoral. Voilà ce que je propose. C'est tout un programme qu'il nous propose. Et le fait de demander que ton règne vienne, eh bien, je pense que ça va quand même hâter sa venue aussi. Amen. Ça met de l'espoir. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche.